Bon, les gars, donc on va passer la parole à Cyril, le secrétaire général de la CGT de Chapelle-Darblay. Bonjour tout le monde. Alors pour la Chapelle-Darblay, on va donner un petit peu d'actualité. Lundi matin à 4h30, le lundi 13 janvier, on avait décidé de s'opposer et d'attendre un petit peu des réponses à notre direction. Le 13 janvier, on vous l'avait déjà dit, pour ceux qui n'étaient pas là, on s'attendait à avoir une mauvaise annonce. Pour rappel, ils essayent de nous vendre, de nous fermer. Pas nécessairement dans cet endroit-là. Donc on a décidé, tous les salariés, de se rassembler tranquillement devant l'entrée de l'usine à 4h30. Pas le bloquer, mais visiblement on gênait un peu quand même la production. On était tous là. On a attendu des réponses. Des réponses à une question qu'on pose quand même depuis 4 mois. Des réponses qu'on a cherchées aussi à la préfecture qu'on n'a pas eues. Donc on s'est rassemblés. Et on a commencé à attendre. Ça aurait pu durer 3-4 heures s'ils avaient répondu. Visiblement, soit ils ont eu peur, soit ils ne sont pas venus. Parce que le directeur était parti en Allemagne et DRH avait disparu. Donc on est resté. Et au bout de 10 heures, on a commencé à revoir revenir notre directeur, qui visiblement était parti en Allemagne. Donc on était toujours là. Et les équipes d'après-midi sont revenues aussi. Et on était toujours là. Ils ont commencé au bout de 16 heures à nous donner quelques réponses. Ce n'était pas les bonnes. C'est dommage, on est resté. Ça a duré 56 heures. 56 heures, on a gardé notre usine. Tous les salariés devant, on s'est relevé pendant 56 heures. Et je peux vous dire que c'est long, mais ça fait chaud au cœur. Parce que tout le monde était là et on a eu énormément de soutien. Énormément. Moi, je garderai toujours en mémoire les bagnoles qui sont arrêtées, les gens qui sont venus nous déposer les palettes, les copains qui sont venus nous saluer, les structures, ceux qui nous ont apporté de la soupe, des gâteaux, les gens de la commune. Ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que le temps n'était pas comme aujourd'hui. On a eu la flotte, on a eu du vent, mais on était là. On a mis de la musique, on a chanté, on a fait un feu, on était là toujours. Et franchement, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus nous soutenir, parce que franchement, c'était un beau geste. On n'oubliera pas. On a eu nos réponses, on les a enfin eues, on a dit des bonnes ou des mauvaises, mais on veut savoir. Les questions, elles étaient simples. À quelle sauce on allait être bouffé et quand? Et même ça, ils ont mis 56 heures à nous répondre. Maintenant, on le sait. C'est plus 3 mois, mais 5 mois qu'on est devant nous. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. On montre que la mobilisation, elle est importante. La CGT, elle est forte. S'ils ont cru qu'ils pouvaient nous avoir en 4 heures, en 6 heures, en 8 heures, en 12, en 24, en 48, bah non. S'il avait fallu rester toute la semaine, tout le mois, on serait resté toute la semaine ou tout le mois. Et ça, pour en être clair. Ça s'est débloqué hier après-midi. Ils ont lâché, ça s'est débloqué hier après-midi. On a redémarré la bécane dans la nuit. Ça n'empêche pas qu'on réponde quand même à l'appel. On est fatigué, on a les visages fatigués, mais on est là quand même. Parce que le projet de loi, pour ne pas le dissocier des luttes qu'il y a dans l'usine, on sera là toujours, à chaque appel de la Confédération. Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Bon, on n'est pas là pour leur faire faire du pognon, ils sont là pour nous le filer le pognon. Faut être clair. Donc nous, la CGT Chapelle-Darblay, on a remporté une première victoire. Et ça, ça peut s'applaudir, les copains. Bravo. La première victoire, on l'a eu. Et on ne se rend pas faire. Je remercie tous ceux qui sont venus nous voir de 4h du matin à minuit, à 3h du matin. Franchement, ça a été génial. Et merci à tous. Après, dans la solidarité, on n'oublie pas non plus les appels. La Chapelle-Darblay, elle a eu énormément de solidarité depuis le début du conflit, depuis le 10 septembre, et depuis même historiquement, ça a toujours existé. On s'inscrira toujours dans les luttes. Pour la solidarité, on a décidé aujourd'hui de verser à Pascal Morel pour la Confédération et la caisse de grève un chèque de 1000 euros pour aider tout le monde à continuer à soutenir les grèves et continuer sur tous les piquets sur les mecs qui ça se salue très fortement pour ceux qui tiennent les piquets, pour ceux qui sont forts, qui tiennent la fatigue, la flotte, le vent, le froid. Allez les voir, allez déposer un bout de gâteau, un bout de pain, allez prendre un café avec eux, allez discuter. Parce que franchement, moi je dis bravo à tous. Merci. Bravo.